Chapitre 15. Le lendemain, premier jour d'avril, l'océan avait un aspect printanier. Il verdissait comme une prairie sous les premiers rayons du soleil. Ce lever d'avril sur l'Atlantique fut superbe. Les lames se déroulaient voluptueusement, et quelques marsouins bondissaient comme des clowns dans le laiteux sillage du navire. Lorsque je rencontrai le capitaine Corsican, il m'apprit que le revenant annoncé par le docteur n'avait point jugé à propos d'apparaître. La nuit, sans doute, n'avait pas été assez sombre pour lui. L'idée me vint alors que c'était une mystification de Pitferge, autorisée par ce premier jour d'avril, car en Amérique, en Angleterre comme en France, cette coutume est fort suivie. Mystificateurs et mystifiés ne manquèrent pas. Les uns riaient, les autres se fâchaient. Je crois même que quelques coups de poing furent échangés. Mais entre Saxons, ces coups de poing ne finissent jamais par des coups d'épée. On sait en effet qu'en Angleterre, le duel entraîne des peines très sévères. Officiers et soldats n'ont pas la même permission de se battre, sous quelque prétexte que ce soit. Le meurtrier est condamné aux peines afflictives et infamantes les plus graves, et je me rappelle que le docteur me cita le nom d'un officier qui est au bagne depuis 10 ans, pour avoir blessé mortellement son adversaire dans une rencontre très loyale cependant. On comprend donc qu'en présence de cette loi excessive, le duel est complètement disparu des mœurs britanniques. Par ce beau soleil, l'observation de midi fut très bonne. Elle donna en latitude 48° 47', en longitude 36° 48', et comme parcours 250 000 miles seulement. Le moins rapide des transatlantiques aurait le droit de nous offrir une remorque. Cela contrariait fort le capitaine Anderson. L'ingénieur attribuait le manque de pression à l'insuffisante ventilation des nouveaux foyers. Moi, je pensais que ce défaut de marche provenait surtout des roues dont le diamètre avait été imprudemment diminué. Cependant, ce jour-là, vers 2 heures, une amélioration se produisit dans la vitesse du steamship. Ce fut l'attitude des deux jeunes fiancés qui me révéla ce changement. Appuyés près des bastingages de tribord, ils murmuraient quelques joyeuses paroles et battaient des mains. Ils regardaient en souriant les tuyaux d'échappement qui s'élevaient le long des cheminées du Great Eastern et dont l'orifice se couronnait d'une légère vapeur blanche. La pression avait monté dans les chaudières de l'hélice. Le puissant agent forçait ses soupapes qu'un poids de 21 livres par pouce carré ne pouvait plus maintenir. Ce n'était encore qu'une faible expiration, une vague haleine, un souffle, mais nos jeunes gens la buvaient du regard. Non, Denis Papin ne fut pas plus heureux quand il vit la vapeur soulever à demi le couvercle de sa célèbre marmite. « elle fume !» s'écria la jeune miss, tandis qu'une légère vapeur s'échappait aussi de ses lèvres entr'ouvertes. « Allons voir la machine !» répondit le jeune homme en pressant sous son bras le bras de sa fiancée. Dean Pitferge m'avait rejoint. Nous suivîmes l'amoureux couple jusque sur le grand roufle. « Que c'est beau, la jeunesse !» me répétait-il. « Oui, disais-je, la jeunesse à deux !» Bientôt, nous aussi, nous étions penchés sur l'écoutille de la machine à hélice. Là, au fond de ce vaste puits, à 60 pieds sous nos yeux, nous apercevions les 4 longs pistons horizontaux qui se précipitaient l'un vers l'autre en s'humectant à chaque mouvement d'une goutte d'huile lubrifiante. Cependant, le jeune homme avait tiré sa montre et la jeune fille, penchée sur son épaule, suivait la trotteuse qui mesurait les secondes. Tandis qu'elle la regardait, son fiancé comptait les tours d'hélice. « 1 minute !» dit-elle. « 37 tours !» répondit le jeune homme. « 37 tours et demi !» fit observer le docteur, qui avait contrôlé l'opération. « Et demi !» s'écria la jeune miss. « Vous l'entendez, Edward ?»« Merci, monsieur !» ajouta-t-elle, en adressant au digne Pitferge son plus aimable sourire.